comme ça que ceci. Parlez donc, qui vous a fagoté comme cela? Voyez l'impertinente de parler de la sorte à un mamamouchi. Oui, il me faut porter du respect maintenant, car l'on vient de me faire mamamouchi. Que voulez-vous dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je. Je suis mamamouchi. Quelle bête est-ce là? Mamamouchi, ça veut dire en notre langue baladin. Baladin? Êtes-vous en âge d'aller danser des ballets? Voyez, quelle ignorante. Je dis baladin. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie donc? Oh, ma méta père Jordina. Qu'est-ce que cela veut dire? Jordina, ça veut dire Jourdain. Eh ben quoi, Jourdain? Voleur d'art, un paladina des Jordina. Comment? D'Arthur Banta, con Galera. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Père défendeur Palestina. Que voulez-vous donc dire? Dara, Dara, Bastonara. Qu'est-ce que c'est que ce jargon-là? Non, t'es mère, on t'a, qu'est-ce que l'ultima frontera? Barabaladala, baradala. Ils sont tous là? Abalarabalabala. Choula, choubalaladala, choubalala. Maman, elle est devenue fou! Monsieur, nous venons, madame et moi, rendre hommage à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. D'être des premières à venir vous féliciter du haut degré de gloire. Vous êtes montée. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses des extravagances de ma femme. Cela n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. Madame, la possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que M. Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent et qu'il sait dans sa gloire connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Mais où est donc son Altesse turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre notre voix. Ah! La voilà qui arrive, son Altesse. Et j'ai envoyé guérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse comme ami de monsieur votre beau-père et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Oui, mais... Où est l'interprète pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites? Vous verrez qu'il vous répondra. Il parle turc à merveille. Mais où diantre est-il allé? C'est un... Altesse... Straff! Straff! Straff! Monsieur! Grande personnalité! Madame! Grande Adama! Monsieur Grand Mamamouchi! Français! Et Madame Mamamouchi! Français! Ah, je peux pas mieux m'expliquer, oui. Ah! Où allez-vous? Nous ne saurions rien dire sans vous, truchement. Dites-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui viennent saluer son Altesse comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. Alla baya croxia maximolam alabame. Quand on est qui du bal, ou ils ont terre à Balouchan. Vous voyez? Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Oh. Je vous le disais bien qui parlait le turc. Oh, cela est admirable. Ah, venez, ma fille. Approchez-vous. Oh. Et voilà le mari que je vous donne. Comment mon père, comme vous voilà fait, Est-ce une comédie que vous jouez? Mais c'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. C'est moi, mon père. Oui, à vous. Alors, approchez-vous et donnez-lui votre main. Et rendez grâce au ciel du bonheur qui vous arrive. Je ne peux plus me marier. Oui, mais moi je le veux qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Ah, quoi? Pourquoi tant de bruit? Ça, votre main. Non, mon père. Je vous l'ai dit. Il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléante. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités plutôt que de... Je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. Oh, non, qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant. Oh, taisez-vous, ma femme. Vous venez mêler toujours vos extravagances à toute chose. Il n'y a pas moyen de vous faire entendre raison. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand turc. Avec le fils du grand turc? Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. Je n'ai qu'à faire du truchement et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Ah, taisez-vous encore une fois. Comment, madame, vous vous opposez à un mariage comme celui-là? Et vous refusez son Altesse turque pour gendre? Mon Dieu, monsieur, menez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à refaire. Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous touche pas. Mais c'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je me passerai bien de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un turc? Sans doute. Et je veux oublier Cléante. Que ne fait-on pas pour être grand dame? Je l'étranglerai de ses mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du caquet. Moi, je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera point. Ah, que de prix! Allez, vous êtes une coquine. Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous. Madame! Que me voulez-vous compter, vous? Un mot! Je n'ai que faire de votre mot. Voilà, monsieur Schell veut écouter une parole en particulier. Je vous promets de la faire consentir à ce que vous voudrez. Je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non! Écoutez-le! Non, je ne peux pas écouter. Il va vous dire. Non, je ne veux pas qu'il me dise rien. Voilà bien l'obstination d'une femme. Et cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter, madame, vous ferez après tout ce qui vous plaira. Eh bien, quoi? Il y a une heure que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Que nous l'abusons sous ce déguisement? Que c'est Cléante lui-même qui est le fils du grand turc? Et moi, que vienne, qui suis le truchement. C'est comme ça, je me crois. Ne faites pas semblant de rien. Voilà qui est fait, je consens au mariage. Ah. Enfin, voilà tout le monde revenu raisonnable. Je savais bien, moi, qu'il finirait par lui expliquer qui c'était le fils du grand turc. Oui, il me l'a expliqué comme il faut et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir un notaire. Voilà qui est fort bien dit. Et afin, madame Jourdain, que vous ayez l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi. Ah, j'ai pas cela. C'est pour lui faire à croire. Il faut bien l'amuser avec cette fin. Oui. Voyons quérir le notaire. Et tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre balai et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. Voilà qui est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Bah tiens, je la donne au grand truchement. Et ma femme, à qui la voudra? Messieurs, je vous remercie. Si l'on en peut voir un plus fou, je dirais dire un homme.